mère, t'as prêté papa t'appelle. En mode professeur dans la case à des papelles. Le poteau il dit ça y est, il a plongé sa peine. Il a gardé les arénas, maintenant la vie est belle. Elle est pompée dans les classes, sous coco. Je la calcule pas, je trace, mon poteau. Je trahis pas la cosa, mon coco. Vas-y tiens, pétard touche pas, mon popo. Elle est pompée dans les classes, sous coco. Je la calcule pas, je trace, mon poteau. Je trahis pas la cosa, mon coco. Vas-y tiens, pétard touche pas, mon popo. Toujours tu fais pareil, le sang. Toujours tu fais pareil, le sang. Toujours tu fais pareil, le sang. Toujours, toujours, toujours tu fais pareil, le sang. Toujours tu fais pareil, le sang. Toujours tu fais pareil, le sang. Toujours, toujours mon sang. À moi tu m'as dit que tu revenais, mais je t'ai plus vu. Mon sang, tu m'as plus téléphoné, tu as disparu. Je saigne, je raconte pas trop mes problèmes. Ce que tu me dis, je le sais. Ce que je dis, moi, je le fais. Bon, la vie, c'est comme ça, comme ça. Pourquoi tu fais tout ça, tout ça? Tu là, tu fais le hasard, hasard. Fais-moi tourner la massa, massa. J'oublie tout. Le sud, c'est la pharmacie. Il faut des os. Les soucis, ça fait pharmacir. C'est du tout, tout. C'est l'avenir, c'est la machine. Sous la cagoule. La rue te fait des tours de magie. Elle est pompée dans les classes, sous coco. Je la calcule pas, je trace, mon poteau. Je trahis pas la cosa, mon coco. Vas-y tiens, pétard touche pas, mon popo. Elle est pompée dans les classes, sous coco. Je la calcule pas, je trace, mon poteau. Je trahis pas la cosa, mon coco. Vas-y tiens, pétard touche pas, mon popo. Toujours tu fais pareil, le sang. Toujours tu fais pareil, le sang. Toujours tu fais pareil, le sang. Toujours, toujours, toujours tu fais pareil, le sang. Toujours tu fais pareil, le sang. Toujours, toujours. En doré de platine sur les gilets rats. Regarde les chiffres à faire classer. Les schmitts te soulèvent sous les draps. Ils te prennent les sous que t'as placés. Tout pour mes boutous. Nique les traites que j'ai défauchées. C'est ma mère qui m'aidait quand j'étais fauché. Elle me dit lui qui se manque mais lui décroche. Y'a une corona toute l'année. On prend nos distances maintenant pour parler. Où s'en est, où s'en est. Ils veulent nous faire payer des masques toute l'année. Y'a une corona toute l'année. On prend nos distances maintenant pour parler. Où s'en est, où s'en est. Ils veulent nous faire payer des masques toute l'année. Ils m'ont tout pris. J'ai fini tout seul. J'ai rien à prouver. J'ai lui-même pris tout. J'ai rien à prouver. J'ai déjà trop de soucis. J'ai pas encore tout fait. Pas de fois quand j'fais les sous sous sous sous sous. J'suis sous rosé. J'suis des Keltes, j'm'en bats les couilles car j'passe la vitesse. Y'a mes vatos, locos, gringos, qui se ressentent tchot dans ma vitesse. Ah c'est mon bébé d'amour, elle est moi c'est elle à moi. Et son cœur c'est de l'or, et son cœur c'est de l'or. Elle est pompée dans les classes, sous coco. J'la calcule pas, je trace, mon poteau. J'trahis pas la cosa, mon coco. Vas-y tiens, pétard touche pas, mon popo. Elle est pompée dans les classes, sous coco. J'la calcule pas, je trace, mon poteau. J'trahis pas la cosa, mon coco. Vas-y tiens, pétard. Le sang. Toujours tu fais pareil, le sang. Toujours tu fais pareil, le sang. Toujours.